Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que c'était la conclusion hier du tournoi de golf junior à Ville-Saguenay. Et Céleste Dao a terminé en première place chez les filles. Elle a réussi un pointage de 281, soit moins 7 au cumulatif. Chez les hommes, c'est Laurent Desmarchais qui a remporté. Il a du club de golf Valérie Richelieu. Il a terminé avec un 270, soit un moins 10. Au niveau régional, Marc-Antoine Sansfaçon chez les hommes a réussi à terminer à plus 10. Et Nicolas Guay-Landry a terminé à plus 16. Il a terminé en 36e position. Au niveau régional, c'est également chez les filles, c'est la meilleure performance est venue d'Adrienne Laforêt. Elle a terminé à plus 24. Maintenant, en fin de semaine, c'est le marathon du lac à Jim à Saint-Thomas-d'Isigny. C'est déjà la 7e édition du marathon du lac à Jim. En entrevue ce matin sur les ondes de danardiosport.com, on a parlé avec la responsable, entre autres, Gabrielle Trottier, et elle nous confirme que c'est un nombre record d'inscriptions. Oui, absolument. Année après année, depuis qu'il y a des qui se placent au lac à Jim pour flotter les différentes distances. 35 km cette année, c'est notre année record. Il va y avoir 12 participants sur la ligne de départ, fait qu'on est super contents. Gabriel Trottier, dans un deuxième temps, nous mentionne évidemment que ce marathon est une belle préparation pour la traversée du lac Saint-Jean. Oui, c'est sûr que pour le 15 km, là, c'était vraiment l'objectif de faire cette course-là. Des 15 km, il n'y en existe pas au Québec. Donc, on s'est dit, c'est un peu la distance entre les 10 km et le marathon de la relève à la traversée. Et le 32. Fait que c'est vraiment préparatoire. Mais, tu sais, en fait, si on a autant de nageurs, c'est pas cette course-là qui attire nécessairement le plus de monde. C'est vraiment les courses amateurs. Le 1 km, le 5 km, les 2 km, le solo et à relais. OK. Dans le dernier temps, Gabriel Trottier nous mentionne qu'il faudra surveiller Xavier Dernay, mais il y en a d'autres également qui pourraient remporter la course aux 15 km. Absolument. Xavier Dernay est encore présent. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'Édouard Leroux, le grand gagnant de l'année passée, qui avait fait une chose lutte avec Xavier Dernay, a terminé une demi-seconde avant. Lui aussi est encore là, donc je pense qu'on peut s'attendre à une arrivée très serrée. Probablement que Xavier va jouer sa course un peu différemment de l'an dernier. Les Jeux du Québec s'en viennent à très très grands pas. Hier, on a fait connaître celui qui sort le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à Thetford Mines le 27 juillet prochain lors de la 53e finale. Il s'agit de Mathis Dufour de Saint-Félicien. Mathis Dufour qui évolue pour le club des Archers de Saint-Félicien, terminé au sommet en 2017 et troisième au niveau canadien. Donc c'est quand même un bel honneur pour Mathis Dufour. Le jeune homme de Saint-Félicien ne s'attendait pas à avoir une telle honneur. Également, il y a un autre sportif d'ici qui va connaître une belle fin de semaine. Une belle semaine, c'est Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc qui va participer au championnat du monde de football des U19. Et hier, on a parlé avec François Laberge, qui est son entraîneur des Gaillards de Jonquière. Et il mentionne dans un premier temps que pour Philippe Lavoie, ce sera sûrement une belle expérience lors de ce championnat. Probablement. Écoute, le championnat mondial de U19 doit être suivi certainement par les scouts des équipes professionnelles qui c'est tellement rendu important pour eux qui commencent à suivre les jeunes dès leur entrée à l'université pour suivre leur développement, voir la progression et tout. Donc oui, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de gros scouts là-bas. Connaissant Phil, c'est pas quelque chose qui va le déranger bien. Lui, il est juste bien content d'être dans... Il y a 6 secondaire, joueur à sa position de l'Est à l'Ouest du Canada qui ont été sélectionnés, puis qui est parmi ces 6-là. Fait, juste d'être sélectionné pour participer à un événement comme ça, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. OK. Berge est convaincu que Philippe Lavoie, s'il a la chance, pourra aider le Canada. Moi, je pense que oui. Et Phil, aucun doute, je l'ai vu la semaine dernière avant son départ. Il est top shape, il est parfait, je veux dire, il a été faire un cours d'été cet été à la fin de la session à Québec pour pouvoir finir, lui il veut terminer en décembre pour entrer à l'université dès janvier, là, dans l'université qu'il va choisir dans les prochains mois. Okay. Donc Phil fait ses choses, l'entraînement est au top, il est au top de sa forme physique. Il est prêt pour le championnat. Fait que je pense que oui, il va avoir s'il a sa chance, il va avoir un impact avec l'équipe sans aucun doute. Oui. Je pense qu'à 6 secondaires, il va certainement avoir l'occasion de se faire valoir. OK. Soccer, il y avait des matchs dans la ligue de soccer des différentes ligues. Dolbo Mississini a défait le Chinook 3-2 dans un match de la catégorie de division 2 masculin. Également, ben, Saint-Prime hier, victoire du FC de Roberval 7-0 sur le FC du Fjord. On parle évidemment d'un match de la senior masculin division 1. Également, ben, à la Balmol hier, il y avait des matchs dans la ligue de Balmol de Roberval, évidemment de Baldonné. Et le Saint-Hubert a perdu 13-7 contre le Garma. Mégavac 17, Pierre-de-Tour-Roussel 3. Et le Zodiac a défait l'Intersport 21-9. Le sport local et régional, à donradiosport.com, on s'en occupe.